J'ai vidé un bon gros pack de Heineken. C'est pas que j'étais assoiffé, c'est pas non plus que j'avais de la peine. J'avais rien à oublier, non, qu'un chagrin à noyer. Alors c'est à mes dents du fond que j'ai dû apprendre à nager. Les trois premières sont bien passées, j'ai donc ouvert la quatrième. La cinquième trop vite tombée, j'ai dû boire cul sec la sixième. J'avais pas quoi célébrer, j'ai fêté la cuite de la veille. Ça doit pas être mauvais pour la santé, l'alcool c'est 100% naturel. Non, je boirai plus, jamais jusqu'à la semaine prochaine. Non, je boirai plus, jamais jusqu'à la semaine prochaine. Non, je boirai plus, jusqu'à la semaine prochaine. Tous mes amis rentraient chez eux, je suis allé me coucher. Une fois allongé sur le pieu, j'ai senti la mer s'agiter. Non, je n'étais pas en croisière, mais plutôt dans une belle galère. J'ai senti monter la nausée, puis je me suis réveillé. Je ne me souvenais plus de rien, j'avais l'estomac ravagé. J'avais une haleine de phoque, les yeux complètement éclatés. Je tenais pas sur mes jambes, alors je me suis allongé. Pour une seule nuit d'ivresse, combien de journées à récupérer. J'avais tellement mal au crâne que j'arrivais plus à penser. Alors j'ai bu une tisane, un truc bon pour me requinquer. Je me suis regardé dans les yeux et je me suis juré, cette fois c'est la dernière, on ne m'y reprendra jamais. Non, je boirai plus, jamais jusqu'à la semaine prochaine. Non, je boirai plus, jamais jusqu'à la semaine prochaine. Non, je boirai plus, jusqu'à la semaine prochaine. Alors là, c'est décidé. Boirai plus. Jamais. Du tout.